Thank you. 있으니까. Transpose MIDI fin to project. Non. Ah non, putain. Qu'est-ce qu'il me paraît ce truc? Ah, c'est pas au point. Putain, il repart pas à la bonne mesure, le truc.